Ça fonctionne pas. Faut le remonter comme ça. Il s'appelle René. Il c'est vraiment nul. C'est juste, je l'ai vu, à Pâques une fois et j'ai dit oh my god, il me le faut. Parce que j'adore, c'est les trucs qui sont tout petits. Genre, c'est jaune comme ça et c'est tout petit. Et tu les mets dans les arbres de Pâques. Ouais. On est en train d'enregistrer là. Ouais. J'ai lancé le truc. Bonjour à tous et bienvenue, je m'appelle Margot, et si vous entendez ma voix aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 6 mois, j'ai eu envie de donner de la légitimité aux paroles des ados. Depuis, une semaine sur deux, je reçois un adolescent qui vient me parler d'un sujet qui lui tient à cœur. Aujourd'hui, je reçois Lucille. Au début, elle était censée venir me parler de sapiosexualité, le fait d'être attirée par l'intelligence des gens plutôt que par leur qualité physique. Mais c'est parti dans tous les sens, et au final on parle de confiance en soi, de style vestimentaire, de poils, de règles, d'honnêteté. Et tout ça, ça donne un beau mélange plutôt chouette. Allez, écoute, et prends-en de la graine. Je m'appelle Lucille, mais aussi on peut m'appeler Déborah. J'ai 15 ans et je suis sapiosexuelle, pansexuelle et faysari, c'est une identité de genre. Parce que peut-être qu'on pourrait en parler après aussi. Bon, oui, on parle de ce que tu veux de toute manière. Préciser, en fait. J'habite sur Roufaque, mes parents sont séparés. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je suis assez touche-à-tout, très honnête et j'ai un style vestimentaire un peu étrange. Ça c'est vrai, c'est facile de me reconnaître, du coup je peux pas être vraiment anonyme. C'est tout, je pense. Tu m'as envoyé un mail pour me dire que t'avais envie de participer et tu m'as dit que tu étais sapiosexuelle. Moi je savais pas ce que c'était sapiosexuelle, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est? Oh mon dieu, la sapiosexualité c'est une sexualité qui vient de naître, enfin qui est très récente et du coup il n'y a pas vraiment de définition officielle. La définition française est très bizarre, hein, parce qu'en fait, ça sous-entend que, soi-disant, les sapiosexuels auraient une érection quand ils pensent à l'intelligence. Je pense ça avec des guillemets. Hein. C'est complètement faux. Déjà, parce qu'en fait, ce qu'on dit souvent de la sapiosexualité, c'est que c'est un sous-genre d'asexualité. Les sapiosexuels n'ont pas réellement de désir sexuel. Tout ce qu'ils cherchent, enfin ce qu'ils cherchent en principal dans leur relation, qu'elle soit amoureuse ou autre, c'est surtout une connexion culturelle. Et enfin, si tu pouvais dire ça en une phrase simple pour tout le monde. Oh là, la sapiosexualité, c'est quand on n'est pas attiré par le physique, mais par l'intelligence des gens. Voilà. Entre guillemets, l'intelligence, parce que l'intelligence c'est vaste. Voilà. Et comment tu vis ça? Je le vis super bien, parce que le fait de se considérer comme sapiosexuel, c'est un peu une sorte de... Enfin, une manière de choisir et d'enrichir... D'enrichir. D'enrichir ses relations, quelles qu'elles soient, en fait. Du coup, en général, j'ai du mal à me tourner vers des gens qui n'ont pas beaucoup de... Enfin, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que moi. Un peu comme tout le monde, mais pour moi, c'est vraiment amplifié. Et j'ai du mal à m'attacher à une personne qui ne me ressemble pas. Ok. T'as un copain actuellement? Oui. Oui. Ouh! Mon copain! Oui. C'est ta première relation ou... Non. Enfin, c'est ma première relation depuis que j'ai compris que j'étais sapiosexuelle. Ok, c'est ça ma question. Ça change le tout. Comment ça se passait avant que tu te rendes compte que t'étais sapiosexuelle, enfin... Ça se passait comme une relation normale. Enfin, après, mon deuxième petit copain, je suis tombée amoureuse de lui. Je savais pas à quoi il ressemblait. Genre pas du tout, j'avais aucune information sur son physique. C'était Tout ce que je savais de lui, c'était son caractère et sa manière d'être. Et tu l'as rencontré où? Sur les réseaux? Ouais. Ok. Enfin, c'était une amie à moi qui le connaissait et elle m'en a parlé et il est venu me parler une fois. Et on a commencé à discuter régulièrement. Ok. Et du coup, quand vous vous êtes vus, t'étais quand même... t'étais pas déçue ou quoi? Ça a rien changé? Non, ça a rien changé en fait. Et j'étais très gênée. En fait, le fait de rajouter le physique dans notre relation, ça m'a mis un peu mal à l'aise au début. Ouais. J'ai dit, c'est pas son physique qui me dérangeait, c'est juste la dimension du fait que je peux le toucher, je peux le prendre dans mes bras et lui faire des bisous et tout. Ouais. Je sais pas pourquoi ça m'a mis mal à l'aise. Enfin, un peu comme tout le monde, quoi. Enfin, je l'avais pas du tout, ce truc avant. Et tu te considérais déjà comme amoureuse quand c'était que virtuellement, votre relation ou... Ouais. Mais en fait, j'ai un truc, ça fait que je tombe très vite amoureuse. Et en fait, dès que je vois... maintenant, je le comprends, mais avant, je savais pas du tout. Je pensais que j'étais complètement tarée. Dès que j'aperçois qu'on a des points communs sur des trucs culturels, ben, je tombe très vite amoureuse, je m'attache très vite à lui... Enfin, c'est ce qui arrivait avec mon petit copain actuel. Et je suis tombée super vite amoureuse de lui. En fait, c'est pas... C'est très rapide parce que, genre... Oh, t'aimes Noir Désir ? Bah, moi aussi. Viens, on sort ensemble. Non, mais c'est un peu ça, en fait. C'est vrai. C'est ce qui s'est passé. Ouais. Et du coup, comment ça s'est passé quand on... Enfin... J'ai du mal à visualiser, parce que t'as 15 ans, t'es quand même jeune, quoi. Ouais. Et je me dis, à quel moment dans ta vie tu t'es dit, ouais, bah en fait, je suis... Enfin, comment t'es arrivée déjà sur l'info que la sapiosexualité existait, et comment tu t'es dit, bah moi, c'est ça, en fait. Bah en fait, c'était quand j'étais sur le point de quitter mon deuxième petit copain. Mmh. Et, j'étais aussi un peu dans un mood où j'avais besoin de trouver des personnes qui me correspondaient par rapport à ma pansexualité, enfin, tout simplement le fait que je sois pas hétéro cisgenre. Et ça m'arrivait souvent de traîner sur des forums LGBT. Et j'ai rencontré une personne qui avait sur son profil, c'était noté qu'elle était sapiosexuelle, enfin, mm-hmm. qui elle, parce que c'est elle est non binaire, c'est compliqué. Et du coup, ben, je m'y suis intéressée, je lui ai posé des questions, j'ai commencé à faire des recherches sur internet et je suis tombée sur une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle NovaCorp, qui fait des vidéos géniales. Et il expliquait en long, en large, en travers ce qu'était la sapiosexualité. Et là, à la fin de la vidéo, j'étais en position fœtale, genre « Ah, c'est ça ma vie !»« Ah, c'est sympa en fait !» J'étais un peu mal, tu vois, genre... Parce que quand tu découvres un truc et que ça te corrige. Enfin, quand tu découvres un truc, juste un mot qui te définit, genre, sur plein d'autres. Enfin, ça explique ton comportement. Et bah, depuis ce moment-là, genre. Il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie. Enfin, voilà quoi. Tu te posais des questions avant par rapport à ça ? Ou ça te tracassait ? Ou pas du tout ? Ou juste c'était tombé dessus ? Tu te dis, en fait, c'est ça. Le seul truc que je trouvais très étrange, il y avait deux choses que je trouvais très étranges. C'est que depuis toujours, j'ai jamais vraiment porté attention au physique des gens. Genre, je remarquais pas si les gens étaient considérés comme étant pas très beaux. Ça m'était égal, enfin, j'avais des potes, je tombais facilement amoureuse de personnes qui n'avaient pas un physique très intéressant, et je comprenais pas ça. Et je me disais, c'est bizarre, hein, pourquoi je suis pas comme les autres ? Et aussi le fait que je tombe extrêmement vite amoureuse d'une personne rien qu'en lui parlant, et ça se passait super rapide, quoi. Enfin, c'est ça qui est un peu rigolo, parce qu'on dirait que... Quand tu parles de la sexualité, on a l'impression que c'est hyper complexe et que pour toi, ça peut être hyper difficile de tomber amoureux. Ouais, non, et qu'en même temps, en fait, tu peux juste être fleur bleue facilement comme tout le monde. Fleur bleue, en fait. En fait, il suffit juste de... Par exemple, pour moi, ce qui est le plus attachant, enfin, ce que je trouve le plus sexy chez une personne... chez mon petit copain actuel, c'est le fait qu'il ait une culture musicale extraordinaire. Genre c'est aussi vrai. Grande que l'océan. Et genre, le fait que je puisse lui sortir des noms de groupes américains indépendants, genre BBO, je sais pas si ça se dit comme ça, je sais même pas comment ça se dit, tu connais pas ? Non. Voilà. Bah lui, il m'a dit, ah ouais, je connais, mais j'aime pas trop, quoi. je trouve ça trop mignon, c'est tellement... attirant, et on a tous, enfin, on a un peu les mêmes goûts musicaux sur plein de trucs. Et aussi, il fait aussi du karaté, moi je fais du self-défense, tu vois, il y a plein de choses sur lesquelles on est pareil, et ça m'attire beaucoup. Okay. Et c'est super facile de trouver des points communs avec les gens, en fait. qu'on y pense. C'est des points de sa culture. Enfin, c'est plutôt la culture ou plutôt l'intelligence qui te... Ou les deux vont ensemble. Bon, en fait, l'intelligence, c'est assez... C'est un terme qui me plaît pas des masses, parce qu'en même temps, ça veut dire... Ouais, mais t'es attiré par des gens... Enfin, c'est bizarre, parce que t'es attiré par des gens qui font des sciences et tout, mais en fait, non, je suis juste attiré par les gens qui sont intelligents, mais pas dans le... Il y a plusieurs types d'intelligence. Ouais, c'est ça, t'as l'intelligence... Comment dire ? En fait, je trouvais les mots avant, mais maintenant que je suis en face du micro, je me dis merde. Parce que moi, par exemple, je trouve qu'il y a il y a différentes formes d'intelligence aussi. Il y a des intelligences où, par exemple, les gens très vifs en cours et qui comprennent très rapidement. Ça... Mais il y a aussi des intelligences humaines, on va dire, et qui sont... C'est plus des ça, gens qui sont sensés, On appelle ça l'intelligence émotionnelle. Émotionnelle, c'est justement ça. Avant, je savais pas si tu connaissais ce terme-là. Non, mais maintenant, je sais. C'est l'intelligence émotionnelle. C'est comme dit Novacorp, la chaîne YouTube. Le gars qui gère la chaîne YouTube, c'est... L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à comprendre les gens, à enrichir le quotidien avec des dialogues extraordinaires. Genre, une personne que tu connais pas, et t'arrives à créer une conversation qui dure genre tellement longtemps, tu t'en rends pas compte. Ça, c'est une personne attirante, qui est intelligente, ouais. Enfin, qui est intelligente émotionnellement parlant. Et ça, c'est attirant, c'est... Ouais. Genre... Enfin, après, bon, c'est sûr que tu tombes pas amoureux comme ça, genre... intelligent émotionnellement, ouais, trop bien. Enfin, t'es intéressé, quoi. Tu vas plus être... Oui, intéressé par les gens qui sont comme ça. Tu parles de ça, de ta manière d'aimer les gens avec tes potes et tout ça, ou pas trop? Ben en fait, quand j'ai découvert ça, enfin sa sexualité, j'en ai parlé à une amie, et elle m'a dit bah moi aussi je le suis. Oui, ouais. Voilà, ça se dit. Je dis oh, c'est génial, ok, c'est super. Et bon, bah, comme j'étais un peu entourée de personnes qui l'étaient aussi, bah, y avait justement la personne qui m'a ouvert les pistes. Elle s'appelle Flora. Mm-hmm. Et il y a elle, il y a aussi du coup la fille à qui j'en ai parlé en premier, Anne-Lou, elle s'appelle Anne-Lou. Il y a mon copain actuellement qui est aussi sapiosexuel, du coup c'est trop bien. Ouais. Et ben. En fait, en général, quand j'en parle, les gens ils sont un peu. Enfin, surtout mes amis, ils sont un peu sceptiques. Ils sont là comme ça, ouais, ok. Est-ce que tu prends des remarques du genre que t'es un peu condescendante, on va dire, ou un but de ta personne? Je le suis, mais pas sur ce plan-là. Ah oui, ça, je suis très condescendante et très... un peu... Je suis toujours un peu en train de me... C'est pas voulu, hein, mais je me mets en avant par rapport aux autres. Je suis très... chiante. C'est pas voulu, je suis comme ça, j'y peux rien. Mais oui, justement, en fait, là, c'est pour ça que j'en parle pas trop avec les gens que je rencontre à peine. Parce que souvent, leur fertile dans leur tête, celle-là, elle est pas gentille. Du coup, ils vont arrêter de me parler. Mais je leur explique assez vite que je suis pas intéressée par les personnes genre qui... Si t'as un bac plus 50 000 en sciences, j'en ai rien à faire. Je m'en fous, quoi. T'as beau être intelligent dans un domaine particulier, ça va pas forcément m'intéresser. Enfin... Puis en même temps, c'est pas vraiment de l'égocentrie ou juste de l'un but de... Comment on dit ça? Juste être un peu... D'être... Ouais, narcissique, tu vois. Genre une personne méchante, chiant. Bizarre. C'est juste parce qu'en fait, en soi, on met de côté le physique des gens un peu. Et c'est. Je trouve que c'est pas mal ça, par contre. Parce qu'on vit dans un monde où les gens se font juger sur leur physique. Rien que moi, avec mon rouge à lèvres fantastique et mon style vestimentaire bizarre, je me suis fait juger au moins 3 fois aujourd'hui. Ouais. Juste en sortant de chez moi. Voilà. Enfin, moi, j'aime pas trop ça. Et je vois pas l'utilité, parce que ça gâche pas mal les relations, les éventuelles relations. Du coup, c'est chiant. Ouais. Je suis pas comme ça. Et du coup, ça... Enfin, je pense que si ta manière de réfléchir, c'est comme ça, ça se retranscrit aussi dans ton cercle d'amis ou ah pas oui. du tout. Je suis entourée quasiment exclusivement par des personnes qui sont attirées par les sciences, qui sont extrêmement paumées, dans le sens où ils sont carrément absents des réseaux sociaux. Je traîne souvent avec des gens qui aiment les animés, les mangas, la culture japonaise, le rap, le même style de musique que moi en fait. Et en général, je traîne souvent avec des gens qui sont plus vieux que moi. C'est ce que j'ai du mal avec les gens de mon âge. C'est vrai? Ouais, et l'année dernière, j'avais surtout du mal avec les gens de mon âge encore plus. Parce qu'ils étaient le collège. Collège, comme tout le monde dit, c'est tous des cons. Non, mais vraiment, c'est horrible. Hein. Et même en seconde, c'est horrible. Mais t'as mal vécu le collège ou... Ma dernière année, surtout parce qu'il y avait que des gens qui n'étaient pas très intéressants quand on est sapiosexuel, tu vois. Mm-hmm. Qui mettent plus en avant leur physique qu'autre chose, tu vois. Ça m'intéresse pas. T'avais Parce que t'as du mal, du coup, à trouver des amis, à entretenir ton cercle d'amis. Parce que, après, c'est normal que... Enfin, toi, t'as peut-être une intelligence, on va dire, plus développée. Mais c'est normal aussi qu'au collège, que jeunesse se fasse, on va dire, et que les gens évoluent chacun à leur rythme. J'espère qu'ils évoluent, hein. Ouais. Parce que c'est comme ça toute leur vie. Et du coup, t'avais du mal avec ça ou t'arrivais pas à mettre de côté le fait que c'est juste normal aussi d'être un peu bête à cet âge-là? Mais en fait, c'est pas... Après, je dis pas à tous les auditeurs de prendre de la graine qui sont bêtes au collège. Je dis juste Je dis pas que... Enfin, comment dire? J'étais déjà dans une classe qui m'aidait pas parce que c'était que des gens qui ont tendance à juger énormément sur le physique aussi, genre enfin il y a une de ces personnes qui était dans ma classe l'année dernière qui je suis allée au collège avec enfin au lycée bien sûr avec ce magnifique rouge à lèvres bleu et j'ai entendu derrière mon oreille et qu'est-ce qu'elle fait avec un rouge à lèvres comme ça celle-là genre. Ah bah je m'attendais pas à ça, enfin je m'attendais complètement à ce que tu me dises ça en fait. Enfin, c'était une classe avec que des gens comme ça qui jugent, enfin qui me jugeaient littéralement. Il y avait peut-être deux personnes dans cette classe qui étaient un peu moins méchants en quelque sorte. Est-ce que tu penses que qu'on pourrait dire que t'as plus confiance en toi que ces gens-là? Parce que moi, souvent, je me dis, quand je repense à cet âge-là et au fait de se juger en permanence, c'est souvent parce que t'as pas confiance en toi, donc t'essayes d'agrandir, enfin, t'essayes de te rassurer comme tu peux en rabaissant les gens autour de toi, tu vois. C'est pas con, ça. Et est-ce que tu penses que toi, t'as plus confiance en toi? Parce que déjà, à 15 ans, t'assumais avec un style vestimentaire décalé, mettre du rouge à lèvres bleu, des trucs à ça, tu vois. C'est pas facile. C'est juste, tu kiffes ce que tu mets, tu kiffes ce que tu portes, et à 15 ans... Bah moi, j'aurais pas osé, je pense, si j'avais style vestimentaire-là, tu vois. C'est surtout la fille qui s'appelle Anne-Lou qui m'a aidée. Enfin, je l'ai rencontrée justement en troisième, et je pense que si je l'avais du pas... Du coup, elle, c'est la meuf que t'as rencontrée sur les réseaux? Non, ou... c'est Flora. Ok, d'accord. Donc Anne-Lou, elle est où dans ton système solaire amical? En fait, elle y est plus. c'est tant pis. Oui, bah c'est la vie. Hein. Enfin, elle m'a beaucoup aidée à assumer mon style vestimentaire parce que elle est comme moi, quoi. Enfin, elle est un peu aussi excentrique que moi. Ouais. Et je me suis dit, si je traîne avec elle, les gens me considèrent comme elle, donc autant faire comme elle. Ok, elle t'a pas dit des trucs spéciaux en mode... Non, elle m'a rien... Qui t'ont aidé à avoir confiance en toi, en ce que tu étais? Non, je me suis juste dit, écoute, si les gens... Enfin, si tu traînes avec des personnes qui sont bizarres, automatiquement, les gens à l'extérieur vont te considérer comme eux. Donc, si tu veux être bizarre, tu peux l'être. Parce que, de toute manière, tu es bizarre. On dirait, ouais, c'est étrange que t'acceptes autant, on va dire, cette étiquette de bizarre. Pourquoi tu penses que c'est toi qui es bizarre et pas le reste qui est bizarre et toi qui es normal? Parce que la donne ne va jamais changer, enfin, il n'y a rien qui va changer, ça sera toujours comme ça. Si tu portes un pantalon qui n'est pas un pantalon de femme, on va te critiquer sur ton cul, parce que t'as un cul d'homme, voilà, tu vois, genre, c'est ce qu'on a déjà fait, quoi. Enfin, c'est vrai? Oui. On t'a dit que t'avais un cul d'homme? Oui. Enfin, alors que pourtant, en plus, les jeans à la mode en ce moment, c'est plutôt des pantalons taille haute, plutôt masculin. Large. Ouais. Boyfriend. Ouais, c'est de voilà. Là que vient le mot, hein, c'est des pantalons de mec. Donc, le pantalon que j'ai volé à mon mec. Voilà. Non, mais. Enfin, ça, c'est un exemple après, mais il y a plein d'autres choses sur lesquelles les gens critiquent facilement si tu sors de. Bah, en fait, je suis rousse, déjà. Ça, c'est un plan sur lequel les gens critiquent énormément. Tu t'es fait. Ça a été difficile à porter. En fait, c'est difficile 2 secondes, et puis après, tu te dis écoutez, ben, allez tous vous faire foutre, et du coup, ça va mieux. Non, en fait, je sais pas pourquoi j'ai ce truc en moi, genre. Bah, écoute, tu m'acceptes pas comme je suis. Bah, je m'en fous. Ok. Bah, passe ton chemin, alors. Enfin, si les gens m'acceptent pas, bah. Okay. Et tu dis que ça vient de depuis que t'as rencontré cette pote Anne-Lou, mais avant t'étais pas du tout comme ça, ou t'étais déjà un peu comme ça? Bah, en fait, il y avait toujours cette espèce de petit truc, genre, tu sais, quand t'es dans une boutique de vêtements, et t'as un vêtement qui est vraiment trop stylé, et t'as envie de l'acheter, parce que tu l'aimes et que ça te va super bien. Mais tu te dis, ah ouais, non, mais si je porte ça, les gens vont me juger. Et ça, je voulais le faire avant, mais j'ai pas eu le pas pour le. Enfin, Anne-Lou m'a poussé dans le truc, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, t'avais moins confiance en toi, ou t'étais. Parce que même là, on vient de se rencontrer, t'es ouais. Hyper détendue, t'es. Dans le fond de moi-même, je me pisse dessus. Ça, t'as l'air détendue. Ça, c'est une image, mais. Genre, est-ce qu'avant, t'arrivais à être. Enfin, je sais pas, c'est comme donner l'impression que t'as confiance en toi. Ou est-ce que c'est un truc que t'as construit ou... C'est un truc que j'ai construit, parce que rien que le fait de parler à cette fille, justement, c'était la mort qui tue. Genre, j'ai fait ça, mais c'était l'exploit de ma vie. C'est vrai. Ah oui, j'ai chopé son numéro de téléphone, c'était l'exploit de ma vie. Non, mais c'est vrai, il y a toujours un moment quand t'es adolescent où t'as du mal à te sociabiliser avec les gens. Quand t'es un peu timide, qu'on te met à l'écart, à ton insu, t'as toujours un peu du mal à aller vers les gens. Ouais. Ça, c'est un truc qui me fait peur encore aujourd'hui. Parce que, par exemple, là, en septembre, je vais rentrer dans un autre lycée et je connais personne. Et j'ai ultra peur de me retrouver seule. Même si j'ai confiance en moi. Ouais. Si. Et tu penses pas que. Enfin, moi, je crois que. Je sais pas si tu connais cette phrase, genre fake it until you make it. Et c'est en gros, fais semblant jusqu'à ce que ça marche, tu vois. Et je pense que justement, faire semblant d'avoir confiance en toi, peu à peu, ça te donne confiance en toi. Non. Si plus tu vas faire semblant d'avoir confiance en toi, plus tu vas finir avec ces gens qui critiquent les gens. Mais c'est pas dans ce sens-là que je le pense. Ouais. C'est juste, tu vas et t'es là, ouais, allez, tu peux le faire, ouais, vas-y, ouais, ma vieille, c'est bon, tu vois. Et au peu à peu, ça deviendra naturel. Tu te forces un peu. Tu te fous toi-même un petit coup au pied. Ouais, voilà, tu coup au pied, ouais. Coup au cul. Ça aussi. Genre. Bah écoute, si je dois avoir confiance en moi et que je dois assumer mes poils, par exemple, bah je vais me forcer à le faire. Et du coup, j'ai arrêté de m'épiler. T'as arrêté de t'épiler? Désolée. Non, c'est ok. Mais du coup, ça aussi, tu vois, c'est un truc ouais, de confiance en soi et de courage énorme à 15 ans. Ça a été super difficile. Genre, c'est genre le truc. Attends, mais t'as arrêté de t'épiler quand? C'était pas très radiophonique comme ça. La dernière fois que je me suis épilée, vraiment les aisselles, c'était quand j'habitais encore à Colmar, ça devait être il y a 4 mois. Ok. Donc t'étais déjà au lycée. Les jambes un peu. T'étais pas encore au collège. Ah non, j'ai arrêté durant l'été en fait. Ok, j'ai... d'accord. Parce que j'avais oublié mon rasoir chez moi alors que je partais en vacances. Non, c'est faux. En fait, je l'avais pris comme ça, je me suis dit bon. Lucille, tu vas arrêter de te raser, mais tu l'emmènes quand même, on sait jamais. Du coup, je l'ai mis dans mes bagages, mais c'est un peu comme si j'avais arrêté, quoi. Okay. Et c'est de là aussi que j'ai arrêté pas mal de choses. Et ça, comment t'as réussi à le vivre? Enfin, je suppose que tu t'es pris quelques remarques pour ça. Parce qu'à 15 ans... Ça a été super facile, parce que ma mère ne s'épile pas non plus les aisselles. Et d'accord. Donc t'avais déjà un modèle féminin auquel te raccrocher un peu. Ouais, plus ou moins. Non, une certaine forme de confort, en soi. Mm-hmm. C'est... Parce que... En fait, elle m'encourageait carrément à ne pas m'épiler les aisselles, parce que, oui, ça fait mal. Ouais, bah ouais. Et après, en fait, il y a des gens qui disent aussi, ouais, mais ça pue... Ben non, ça pue pas du tout, mais ça pue beaucoup moins quand t'as les poils. C'est pour tout, en fait, parce que... C'est ton corps. Et si t'enlèves des trucs, bah, il va réagir. Du coup, tu pues. C'est pour ça que tu pulsais ça, là. Des trucs comme ça, genre... Non, enfin, franchement, les remarques... Ah, si. Ben, il y a pas longtemps, dans la classe où j'étais en seconde, il y a des... Ben, en fait, j'étais en débardeur. Et il y a des filles qui... En fait, elles étaient en groupe. Et genre, elles nous ont critiqué... Enfin, elles m'ont critiqué un peu. Mais comme j'étais avec mes potes qui sont aussi un peu dans le même mood que moi, mais enfin ils sont pas aussi extrémistes que moi, mais enfin, ils m'ont défendu en gros. Ouais. Ils ont même carrément fait la... Ils ont critiqué la personne qui s'épile, genre... Ouais. Ça sert à quoi d'aller chez une esthéticienne pour t'épiler, oula ? Voilà, quoi. Mais du coup, en fait, quand je suis entourée de personnes qui sont qui me comprennent, bah, je me sens bien. Et toi, dans ton optique, on va reparler de poils, mais tu... On n'est pas obligé. Hein. Non, mais oui, mais... Genre, toi, tu penses que... Il y a plein d'autres choses. Oui, non, tu sais, mais... Toi, tu penses que ceux qui s'épilent quand même, tu penses qu'ils ont plutôt... Enfin, que c'est con, toi, tu les vois faire, ou non. Tu penses juste que chacun doit faire ce qu'il veut ? Moi, je n'irai jamais critiquer quelqu'un qui s'épile s'il ne le fait pas pour moi. S'il ne me critique pas, je ne le critique pas. Ouais. Mais après, je comprends les gens qui s'épilent parce que on n'a pas tous... Hein. Je dis pas que les gens ne sont pas courageux, je dis juste que bah, tous les gens n'ont pas ce déclic du style bah, « je fais ce que je veux, tu vas te faire foutre !» Mais après, le fait de... Parce que moi, c'est des questions que je me pose aussi, tu vois, et je me dis, bah, en fait, juste la société, elle m'a matrixé le cerveau, et bah, moi, maintenant, mon esthétique de beauté, c'est de ne pas en avoir. Bon. Parfois, on oublie aussi. C'est pas grave. Mais pas dans moche, ma tête, je me dis, c'est plus joli sans, tu vois. Et c'est mon idéal de beauté que j'ai, tu vois, mais je me demande, est-ce que c'est juste mon idéal de beauté parce que je me suis fait matrixer le cerveau par la société, ou est-ce que c'est vraiment ce que je veux, c'est juste j'ai envie de les enlever, tu vois. Bah après moi aussi des fois je m'épile les jambes parce que j'ai envie mais jamais les aisselles. Okay. Les aisselles c'est trop mal. No man's land. Genre, touche pas. Non, juste je trouve ça joli. En fait moi ça me coupe pas du tout dans quand je vois quelqu'un avec des poils, ça me coupe pas du tout. OK. Je sais pas, enfin surtout parce que j'ai complètement boycotté les influenceurs, les gens sur Instagram qui s'épilent. Et du coup, maintenant, dans mon fil, bah, je mets que des gens qui me correspondent physiquement et mentalement. Du coup, ça rejoint un peu l'idée que c'est la société qui crée vraiment nos critères de beauté. Et... Mais si tu t'habitues juste à avoir des poils, bah, tu trouveras ça normal et joli, quoi. C'est pas la société, c'est les gens de manière individuelle qui le font. Et du coup, ils copient. Et du coup, les gens autour d'eux, ils copient, et puis ils copient, et puis ils copient, et puis ils copient. Ouais. Tout le monde fait ça. Ouais, et si tout le monde le fait, du coup, tu penses que c'est normal, quoi. Oui. Enfin, après, moi, si j'avais aucune gêne, je dirais à tout le monde, mais arrêtez de vous épiler, n'utilisez pas de tampons, utilisez des cups, utilisez des bandes hygiéniques lavables, devenez vegan, je sais. Arrêtez de porter des soutifs. Faites ce que vous voulez de votre corps, on s'en fout des gens, mais je le dis pas parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas. C'est super difficile. Comment t'as fait ce cheminement pour, on va dire, avoir cette mentalité ? Parce que moi, ce genre de truc, par exemple, les cups, c'est vraiment la révolution, tu vois. C'est trop bien. Mais pour des meufs, alors pour ceux qui ne savent pas, la cup, c'est un petit réceptacle en silicone. Ça ressemble à un verre à vin. Voilà. Et ça se met à l'endroit où tu mets le tampon. Et c'est génial, parce que tu peux le garder 8 heures, tu peux... C'est pas conseillé. C'est pas conseillé, mais tu oublies que t'as tes règles, limite, tu peux faire ce que tu veux, et c'est et écologique. Et t'as pas la ficelle qui se trimballe dans ta cul. T'as pas la ficelle. T'as pas toutes les merdes qui sont dans les tampons et qui rentrent directement dans les muqueuses qui sont très poreuses. Et surtout, c'est 16 euros que tu payes en une fois et que tu gardes pour 5 ans. Enfin voilà quoi. C'est... Mais même ça, tu vois, quand je l'ai découverte, je sais plus quand je l'ai découverte il y a 2-3 ans. Mais t'as testé ? Ah oui, oui. Ah, génial. Bah oui, bah, j'ai jeté tous mes tampons, j'ai plus que ça quoi. Mais c'est trop bien ça. C'est incroyable. Mais je disais à tout le monde, mais c'est incroyable, vraiment, essayer. Ouais, j'avais plein de potes soeur. Où c'était hyper dur dans leur tête de s'imaginer de mettre un truc aussi gros, parce que c'est quand même plus large qu'un tampon. Faut que tu fasses des origamis, bah, quoi. Oui, mais... Et il y en a plein qui trouvaient ça plus dégueu qu'un tampon, limite, de garder le sang pendant plusieurs heures dans la cup. Non. Mais c'est plus propre, parce que ça ne s'oxyde pas. Tu le gardes quand même dans un tissu, là, dans ton vagin. Bah oui, mais tu le gardes moins longtemps, du coup, parce que ça se remplit plus vite, parce que c'est fait pour que ça gonfle plus vite, pour que tu doives le changer plus rapidement, pour que tu dépenses de l'argent. Pour que t'arrives à, quand t'as la ménopause, à 1 500 € de tampons. Et c'est pas tout, hein. Il y a encore tout le reste qui vient ouais. avec. Hein. Enfin, les doliprane, tout ça, tout ce qui va avec les règles. Les ouais. détachants, les culottes que tu rachètes parce que tu ouais. les attachais. Puis quoi encore? Ah bah oui, les draps. Oui, les draps aussi. Il n'y a pas que pour ça, hein, que tu changes tes draps. Heureusement. Enfin, après, je trouve que c'est chiant que directement on nous impose, parce que moi on m'a pas proposé l'alternative directement. Mais est-ce que les gens savaient ? Ça existait pas encore déjà. Ouais, enfin, c'était pas aussi répandu quand j'ai eu mes règles pour la première fois, mais il y avait déjà les bandes hygiéniques lavables. Ouais. Ça existe depuis la nuit des temps, ce truc. C'est juste que quelqu'un un jour a créé la bande hygiénique jetable et oh, révolution ! Après, ça c'est arrivé dans tout un mouvement de modernisation de la vie en fait. Ouais, les gens, les trucs à usage unique, c'était. Ça aurait jamais dû avoir lieu. C'est de la merde. Non. Du coup, tu m'avais demandé. Tu avais dit. Ouais. Au début, c'était pour savoir comment t'avais réussi à faire tout ce cheminement aussi jeune. Parce que moi, j'ai 22 ans, tu vois. Et ce cheminement, je l'ai fait dans les 2-3 dernières années. Et toi, t'es jeune. Et pour faire ce cheminement. En fait, j'ai quitté mon gars. Enfin, mon ex. Ouais. Et. Au bout d'un moment, en fait, j'ai fait fuck le soutif. Ensuite, j'ai fait fuck. Et en fait, je connaissais déjà la cup depuis très très longtemps. Sauf que j'osais pas demander à ma mère. Parce que j'avais peur qu'elle trouve ça sale. Et en fait, elle a pas du tout le même rapport avec les règles que moi. Parce que c'était beaucoup moins intense pour elle. Et du coup, elle comprenait pas vraiment mon cas. Et elle a accepté. Elle était très sceptique. J'ai dû vraiment lui dire, mais maman, c'est clean, c'est bon. C'était beaucoup plus facile pour les bandes hygiéniques lavables. Mais pour la cup, alors là... Elle m'a dit, mais ton hymen il va pas se déchirer. Finalement, j'en ai jamais eu d'hymen. Genre, pour des trucs comme ça. Et je lui dis, mais non, c'est bon. Et à partir de ce moment-là aussi, elle a commencé à s'en foutre totalement de ce que je fais. Et à chaque fois que je fais des choses bizarres, elle me regarde comme ça. T'es sûre de toi, Lucille ? Et après, je dis oui. Et elle fait ok. Elle te laisse construire toi-même Non, en fait, elle sait que même si elle m'impose son avis, je lui dirais, mais maman, tais-toi, je fais ce que je veux. je ne respecte pas le fait qu'elle... Je peux pas écouter les gens, je fais ce que je veux, moi. Et si ça me convient, bah, j'emmerde les gens. Ça me fait penser au fait que dans ton mail, tu m'as aussi dit qu'un de tes soucis, entre guillemets, c'était que t'étais hyper honnête avec les gens et que ça pouvait blesser ton entourage, tu vois. Ah ouais. En fait, ça blesse certaines personnes, mais après d'autres, je trouve que c'est bien parce qu'ils l'acceptent. Et du coup, ça permet de créer une relation qui est vraiment sans non-dit. Bon, après, il y a toujours des non-dits, mais c'est parce que des fois, il y a des choses qui sont vraiment difficiles à dire. Mais ça blesse les gens. Bah oui. En fait, quand il y a quelqu'un que je rencontre et que je l'aime pas trop, bah je vais lui dire. Je lui dis. Comment tu lui dis ? Ah oui, de manière très simple, genre je suis posée comme ça. Écoute, toi, je t'aime pas. Et ça se finit. Bizarrement, ces gens, ils viennent même par là. Ouais. Après, c'est le but aussi de chercher. Oui, en soi, ouais. Sinon, quand il y a des gens qui essaient de venir chez moi, là, comme ça, en mode un peu forceur, tu vois, genre je veux te draguer. Ouais. Bah, je les emmerde. Genre, non, je ne veux pas de toi. Et comment tu dis justement aux gens. Aux gens qui sont attirés par toi, mais que tu trouves pas, on va dire, à ta hauteur intellectuellement, si je peux dire ça comme ça. Comment tu leur dis, ouais, bah en non. fait, tu m'intéresses pas. Bah en fait, je le dis comme si, ouais, je m'en fous, quoi. Genre, en fait, y a pas beaucoup de gens qui me le disent honnêtement, très fort, tu vois, genre... En fait, en soi, quand quelqu'un s'intéresse à moi, en général, c'est que je m'intéresse aussi à lui. Ok. Parce qu'il faut vraiment être complètement taré pour s'intéresser à moi. Non, je veux dire, s'intéresser à moi, bah, dans le sens, je veux créer une relation avec de l'amour, avec des choses bizarres après qui suivent. Si, plus, comme tu veux, c'est toi qui vois. Ouais, parce que... Je sais pas, moi, par exemple, je sais qu'à ton âge, j'avais du mal à dire non, même à des trucs simples, genre des gens qui me disent « Ouais, viens là, squatter !» Et même quand j'avais la flemme, j'avais trop du mal à dire non. Quand je veux pas, je veux pas, je le fais pas. quand ça m'arrive souvent de dire au prof, mais monsieur, j'ai pas envie de travailler. Vous me cassez les couilles. Ça m'est arrivé une fois, genre en anglais, la prof, elle voulait absolument qu'on travaille, sauf qu'il y avait beaucoup trop de bruit. Je lui ai dit, madame, écoutez, je peux pas travailler dans cette condition. Puis de toute manière, j'ai un bon niveau en anglais, donc on s'en fout, non? Et elle a dit quoi? Elle a fait, ok. En fait, les profs, quand t'es honnête avec eux, bah, ils s'en foutent, toi. Ouais, après, ça dépend des profs. Hein. Moi, je pense qu'il y a des profs, tu leur dis ça. Ah oui. Ils sont. Ouais. Il y a des gens qui sont. Enfin, des profs qui sont. Enfin, ah non, en même temps, c'était un peu une victime, tu vois. Genre, donc. Je suis pas méchante. Mais c'est un peu quand même. En fait, je suis aussi honnête, pas forcément dans ce que je ressens pour les gens. Enfin, si, quand je suis amoureuse de quelqu'un ou que j'en suis intéressée par quelqu'un, j'ai tendance à le dire assez vite. Mais. Par exemple, si quelqu'un me pose une question intime, je vais répondre. Okay. Genre, est-ce que t'as déjà fait ça? Bah ouais. Et en général, ça les choque un peu parce qu'il y a le bah oui. Cette simple réponse, genre bah ouais. T'as mangé du chocolat? Elle me dit bah ouais. c'est pas forcément des questions comme ça, mais genre des questions beaucoup plus hard. Et ben, en général, les gens sont un peu comme ça, ouais, ok. Vraiment? C'est pas un mytho? Et oui, les gens me croient pas parce que je suis trop honnête. Les gens te croient pas parce que t'es trop honnête. Parce que ça paraît tellement aberrant, genre. Enfin, c'est bizarre, tu vois. Genre. Ouais. C'est normal, ça. Et tu me disais aussi que les gens te disaient souvent, du coup, que t'étais pas normale. Oui. Ouais. Et on en a déjà parlé, mais on n'a pas vraiment parlé de comment t'appréhendes ça quand on te dit ça. En fait, je pense ça un peu pour un compliment. Parce que j'ai pas envie de rentrer dans la case des gens qui font partie du groupe. Ouais. Donc, est-ce que ton style vestimentaire, par exemple, c'est, tu fais exprès d'en avoir un différent pour te sentir original ou... J'aime bien ce petit côté-là, mais ça, c'est ce que j'aime bien. Enfin, ça, c'est surtout les gens qui me le disent. Genre, ils me disent, ouais, t'as un style à part, c'est cool. T'es un peu différente. Mais en fait, moi, tout ce que je fais, quand je vois un vêtement que j'aime, bah, je le prends. Et je le porte. Genre, il y a tellement de gens qui se disent... Mes sœurs, par exemple, une fois, j'étais allée faire du shopping avec une de mes sœurs, et elle a pas pris un vêtement, parce qu'elle s'est dit, non, c'est trop dans la provocation, c'est... Enfin, c'était pas forcément vulgaire, tu vois, genre, c'était juste un peu spécial. Et du coup, elle l'a pas acheté. Même si elle aimait ce vêtement. Genre, moi, je l'aurais acheté. Ouais. J'achète toujours les vêtements qui me plaisent. Enfin, surtout parce que j'ai les moyens, vu que je m'habille en friperie. Non, je ne suis pas riche, c'est pas ce que vous croyez. Il y a quelqu'un qui... Non, rien. Il y a quelqu'un là-bas avec une espèce de lavabo à coiffeuse. Et je ne pouvais pas m'empêcher de le dire. Bon, voilà, c'est ce qu'elle voit de ma fenêtre. C'est génial. Les coiffeuses à domicile. Oui. Je suis désolée. Non, t'inquiète. Pour recentrer le truc, je vais te poser la fameuse question du podcast. Oui. Est-ce que t'as hâte d'être un adulte? Oui. Non. Ouais. Comme d'habitude. Ouais. Je veux être une adulte. Parce que bah, c'est cool d'être adulte. Enfin, en soi, même si t'as plein de responsabilités et tout, t'es un peu indépendant, tu peux dire tu fais ce que tu veux, en vrai de vrai de vrai. Et t'habites chez toi, t'attends chez toi, t'as ta maison, même si c'est dur de vivre en tant qu'adulte, je sais très bien. Ce que je veux pas du tout, c'est que les gens, enfin surtout les hommes, commencent à me considérer comme une femme. T'as envie de rester... Tu veux dire femme au niveau corps de femme et tout ça et qui... Bah depuis que j'ai... Enfin, je la traverse toujours ma puberté, mais depuis que je suis en puberté, enfin que je passe ma... Je sais pas comment ça se dit. Que t'es... Ouais, oui, que j'ai la puberté, que je vis la puberté, voilà. Et ben les hommes, enfin, qu'ils soient jeunes ou pas, ont souvent des regards assez désobligeants, enfin... Tu sens vraiment que le regard des hommes a changé sur toi depuis ta puberté? Enfin, déjà, en général, il y avait aussi les femmes qui commencent à être de plus en plus... te mettent dans la case... T'es une femme. Ouais. Non, je ne suis pas. Je fais ce que je veux. Enfin, non, mais ils veulent. J'ai l'impression que les gens veulent tout de suite me mettre dans cette case des femmes alors que je fais ce que je veux. Et comment ça? Qu'est-ce qui te dérange dans la case des femmes? Le fait que. La société patriarcale. Et ça, c'est pas cool, la société patriarcale. Parce que c'est. C'est chiant. Tu. Enfin. Les regards pervers, le fait que les hommes pensent que comme je m'habille des fois un peu de manière vulgaire, ça veut dire que je suis une pute et que tout le monde peut venir gratuitement, voilà, je vais pas le dire mais je le pense très fort. Enfin ça je trouve ça... T'as même pas le droit de t'habiller comme tu veux, t'as même pas le droit de faire ci, t'as même pas le droit de faire ça. Je suis une femme donc je ne peux pas draguer quelqu'un. Sauf que le problème, c'est que je suis sapiosexuelle, donc je drague les gens. je vais vers les gens pour créer des conversations, parce que c'est bien de créer des conversations avec les gens. C'est intéressant, c'est enrichissant. Et ça, je n'ai pas le droit de faire, parce que je suis une femme. Depuis que j'ai des seins, bah... Mets un soutif, range-moi ça. Je sais pas, fais quelque chose. Moi, je veux pas. Je suis une femme, donc j'ai pas le droit d'avoir des poils. Non, si, j'ai le droit. Et je suis une femme, j'ai pas le droit de dire que j'ai mes règles. Ce que j'adore faire, moi, c'est dire à mon mec, écoute, j'ai mes règles. Et ça, il s'en fout. Hein. Même s'il n'y a pas d'histoire de je vais dormir avec lui ou quelque chose comme ça, mais genre juste, ben, j'ai mes règles, j'ai envie de le dire. Je le dis ouvertement, mais aux gens, genre comme si c'était une fête. J'adore ça. Je suis en bonne santé. En fait, ça veut juste dire je suis en bonne santé. Après, la parole là-dessus, elle se libère quand même de plus en plus. Hein. Non, pas avec ma mère. quand je laisse sécher mes bandes d'hygiéniques lavables dans la chambre, elle me dit mais cache-moi ça. T'imagines si mon copain, enfin si son mec rentre dans ta chambre et tout. Il rentre pas dans ma chambre, ce type. Non, je veux pas. Enfin, c'est... La parole se libère, certes. Mais pas tant que ça en fait. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Après, moi, c'est peut-être parce que je vis à Paris et du coup, je vois tous les mouvements qui se font autour. Il y a des period parties, des trucs comme ça. Ouais, alors, ça doit être trop bien ça. Mais c'est des trucs féministes. Il y a énormément de mouvements féministes. Ah, ici, tout ce qu'on en entend, c'est que les féministes sont des connasses et qu'elles font chier tout le monde. Et qu'elle se trimballe les seins en l'air et que c'est vraiment vulgaire. Ouais, c'est un peu... je vais faire ma vieille parisienne en disant ça, mais juste dans les villages reculés, les changements, ils mettent un peu plus de temps à arriver. Ouais, quoi. C'est un peu comme... En fait, c'est un peu genre... Tu prends pas beaucoup de temps à te déplacer sur Paris quand t'es à Paris, mais tu prends du temps à te déplacer pour aller autre part que Paris. Ouais. Par exemple. Parce que ça reste comme ça à Paris. Il y a plein de gay prades, il n'y en a qu'une seule en Alsace, et c'est à Strasbourg. Mmh. Il y a plein d'associations LGBT sur Paris, il n'y en a qu'une seule en Alsace, et c'est à Strasbourg. J'habite à Roufac. Enfin, moi, je trouve ça bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, c'est juste que... C'est comme ça. C'est dommage. Mais c'est pas pour autant que je vais aller habiter là-bas, quoi. On dirait que t'es un peu vénère contre les adultes, de manière générale. Je les déteste. Je veux leur mort. Non. En fait, les adultes ont un peu cherché, en soi. Les vieux, là, ils ont un peu cherché. Ils ont un peu cherché le fait qu'il y ait des fémènes qui se trimballent les seins à l'air à Paris. Après, les fémènes, c'est pas du tout une généralité. Hein. Vraiment, c'est pas la généralité pour le féminisme de manière générale, c'est pas non plus. Mais il y a plein de féminismes différents et, oui, y a et le beaucoup féminisme... de féministes ne se retrouvent pas dans les fémènes, même si elles font vraiment bouger les choses. Ah oui, ben ça, mais si elles étaient pas là, elles font bouger les choses dans le... On va dire, moi je pense toujours qu'il faut des gens qui font des gros trucs qui se remarquent pour que des gens ensuite fassent des trucs un peu plus petits mais qui changent les choses quand même. Comme d'habitude, ils n'ont pas forcément le courage d'en faire autant. Tu vois. Du coup, il faut que quelqu'un fasse un truc énorme pour que des gens fassent un petit peu des trucs, tu vois. Ouais, voilà. C'est ça. Je pose mes boules sur la table, suis-moi. Du coup, ils vont me poser un doigt. mais c'est bien. C'est bien qu'il y ait des gens vraiment extrémistes qui font des choses. Pour des bonnes causes, hein, parce que l'extrémisme, c'est pas forcément toujours très bien. Mais je pense que c'est nécessaire. Après, j'ai entendu parler d'une petite gay parade qui a eu lieu en milieu rural, et ça... Tu tu peux faire ta, tu peux organiser ta propre gay pride à Ronfrac. Hein. Je sais pas si ce sera une bonne idée. Ah, c'est pas super confortable cette chose. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pour terminer, qu'est-ce que t'aurais à dire comme dernier mot aux ados qui t'écoutent? Eh bien, assumez vos poils. Arrêtez d'utiliser des produits qui vous tuent la vie. Faites des trucs bien pour la planète parce que vous êtes le futur. Non, juste faites ce que vous voulez et emmerdez les gens. Voilà, genre, c'est le début d'un truc, mais c'est bien de juste dire écoute, va te faire foutre, fais ce que je veux. C'est un peu le type de phrase que sortent les adolescents, mais en vrai, ils le disent, mais ils le pensent pas du tout. Faut que vous le disiez, mais que vous le fassiez aussi derrière. Parce que sinon, ça marchera jamais. C'est comme ça que les choses bougent. Là, je pense que ça résume bien tout cet épisode. Merci beaucoup, Lucille. De rien. Merci à toi si t'es encore là. Si t'as kiffé ce petit moment passé ensemble, je t'invite à me le dire sur Apple Podcast par exemple, où tu peux me laisser un commentaire et des petites étoiles, parce que c'est la seule appli en fait qui permet de classer les podcasts et ça m'aiderait vraiment énormément. Sinon, tu peux envoyer ton épisode préféré à un ado de ton entourage, le bouche à oreille, ça marche plutôt bien aussi. Prends-en de la graine et sur les réseaux, tu peux venir discuter avec moi sur Insta ou Facebook, et si t'es un ado et que t'as envie de participer, n'hésite vraiment pas à m'envoyer un petit message. Allez, on se retrouve dans 2 semaines avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin les uns des autres.